sans motif. Tornade 4-1, 4-5. Local Records, tu le sais, ma bite est là, mais mon cœur est ailleurs. Bah ouais. Hier comme aujourd'hui, ceux qui font rien sont les tailleurs. Devant leur porte, je les ferai balayer. De toute vie sociale, je m'éloigne si c'est ça le prix à payer. Propriétaire du vice, tu deviens quand t'as pété les boulons. Y'a pas de service après-vente pour ce que j'ai entre les poumons. La famille, c'est l'équilibre marchant B qui a 10 ans. Nique les médisants, moi j'écris trop mal en 10 ans. Dis ta Calogero que je ne suis même pas riche de mes amis. La vie m'a désarmé, je vais la désaper dans la mezzanine. Si t'as la grosse caisse, t'as forcément la pute qui va avec. Je serais pas très étonné si des fois tu faisais des affaires. J'prends la vie comme elle vient, même si celle-ci me casse les pions en 2009. Les pères qui assument sont les nouveaux Excalibur. Les vrais sont là quand il faut, les faux ne sont plus qu'à sourire. Les femmes sont tellement des garces que l'idéal ressemble à Katsumi. Des balles discrètes, pas d'argent dans la valisette. Le but c'est de se dire vrai, fuck à ceux qui se dispersent. Ta ligne de conduite, ta façon de procéder. Si tes valeurs ont fui, c'est que t'es qu'un gros PD. Ici on crosse les deps au profit des gens simples. J'suis petit mais ma vérité sort de la bouche de mes enceintes. Tu kiffes les cailles bouffons, alors déteste ma musique. Dans le rap nous éclaboussons, toute leur merde c'est abusé. Sors d'une baraque, j'vis dans le tiercar, cousin c'est quoi le problème. J'suis resté le même, tu sais pas, pour me la rac, j'ai trop de flemme. J'ai gardé mon éthique, ma façon d'être, quoi que t'en dises. Que les jaloux crèvent, ma tête en crise. J'écris du vrai, c'est ta hantise. Ça parle de bis pour 10€, les petits sont perchés grave. Ça tisse trop de bistrot, fauché cras sur ce rap qui se craque. Reste réaliste, peu de plan d'avenir, mental en marge, on pèse des formatages. Lyrics en vrac, toujours la même, la solitude durcit la carapace. Je viens pas passer par quatre chemins. La diplomatie, je l'ai usée, mène ma part, mais très loin. Juste dans la naïveté, j'ai voulu effacer. Je sais pas si j'y suis arrivé, mais l'indifférence m'a kiffé. J'suis plus une môme, mais pas non plus une adulte. J'aime juste délirer, mais surtout pas avec les putes. Ces crapules qui salissent un moment de ta vie, gravé pour l'éternité, car passé est indélébile. On fait pas le monde avec des cimes, mais plutôt avec des fissures. Même s'ils peuvent être atteints de fissures, les moments présents sont présents et non passés. Arrête de t'apitoyer sur tes regrets, tu pourrais gagner. I never wanna see.